Déséquilibre. C'est accablé par un épuisement inhabituel que je m'extirpe endolori de mon fauteuil au petit matin. Mes émotions me fatiguent bien plus que le reste. Je sais par mon état que mes rêves ne m'ont pas fait faire le tour du monde en vélo, car le harassement physique, onirique ou réel, n'est rien, mais qu'ils ont œuvré toute la nuit pour tâcher de remettre en place par des mouvements compliqués quelques neurones démis et rameuter, tels les chiens de berger, mes pensées éparpillées. Je reste paralysé devant le trou béant pratiqué par la jeune fille dans le grillage pourtant solide de ma vigilance. J'aimerais, par des mots, exprimer ce que la scène d'hier a provoqué à l'intérieur même de ma petite personne. Cela me soulagerait à coup sûr. Malheureusement, je ne trouve pas les bons. J'ai beau tenter toutes les phrases, renverser l'ordre des mots, faire preuve d'une audace linguistique sans pareille, je tombe toujours à côté de la plaque. Mes membres sont là. Je n'ai aucune envie. L'image de Lila, oui. L'image de Lila occupe la totalité de ma boîte crânienne, poussant contre les murs. Ça me fait mal de respirer. Je ne saurais pas localiser précisément l'origine de cette douleur, qui n'en est pas une. Tant d'imprécision ne fait que rajouter un surplus de fatigue, comme si j'en avais besoin. Après un petit déjeuner, avalé sans conscience et sans appétit, suivi d'une molle promenade du côté du poulailler, tête pendante et corps à l'unisson, je retourne me coucher, pour la première fois depuis des siècles. Dans ma station allongée, je vois le plafond se courber tandis que je remonte les couvertures sous mon menton. Je n'ai pas chaud. Je crois que je couvre quelque chose, moi qui jouis habituellement d'une santé parfaite. Je serais bien incapable de décrire les symptômes exacts de ma maladie. Claquement de dents, frissons, ne sont que des signes communs à un nombre d'affections. Peut-être suis-je simplement au seuil de la mort. En lieu et place de la grande dame à la faux que je m'attends à voir déboucher dans mon délire, un autre personnage, en cape et baguette, affublé d'un masque blanc au nez exagérément grand et crochu, chaussé de lunettes cerclées de noir, fait apparition dans ma chambre. Une mallette de cuir au ventre rond à la main, il dégage une odeur d'épices divers, thym, romarin, sarriette, tandis qu'il soulève mes draps de sa baguette en penchant la tête. Son masque grotesque m'examine de loin, comme dégoûté, pendant que j'essaie de remettre les couvertures sur mon corps, gêné qu'un inconnu qui ne s'est même pas annoncé me voit en pyjama. Je le reconnais, c'est le médico de la peste. Je comprends alors la raison de sa présence quand je remarque les bubons qui ont poussé sur mes bras et à l'intérieur de mes cuisses. Cela me fait affreusement mal. Le visage en sueur, je demande avec angoisse au médecin son verdict. Suis-je pestiféré ? Il hoche le nez de haut en bas d'un air entendu. Je comprends que je suis perdu. Les voisins ont dû l'appeler en constatant mon état pitoyable. Que vont devenir mes vélos ? Et ma maison ? Et mes marbres ? Et mes poules ? Et mon coq ? Le médico ferme sa mallette, fait le signe de s'en laver les mains, puis disparaît sans même me jeter un regard. J'essaie de me lever pour le rattraper, mais, trop faible, je tombe lamentablement au pied du lit. Je me réveille en sueur sur le carrelage, le poignet endolori par la chute. Le radio-réveil indique 11 heures. À grand-peine, je me traîne à plat ventre jusqu'à la salle de bain où je parviens, suite à des efforts surhumains, à atteindre la petite armoire dans laquelle, après avoir renversé tout mon matériel de rasage, de peignage et de brossage, je trouve mon thermomètre. Je le glisse sous ma langue en fermant les yeux, conscient que je dois économiser mes gestes, le laissant trop longtemps pour retarder le constat. Levant des paupières graves, la lèvre résignée, je parcours des yeux la ligne du mercure qui a grimpé jusqu'à 37,4 degrés. Bien. Malgré ma tête plus bouillante qu'une marmite, mon corps, en revanche, semble demeurer agréablement tiède, comme à ma naissance. Il a dû se former une manière de bouchon au niveau du cou. Oui, en effet, je constate que j'ai du mal à avaler. Je me lève et me jette un coup d'œil méfiant dans le miroir qui ne se laisse pas démonter. Miloche, tu devrais faire un peu moins confiance à ta cervelle. Elle va te jouer des tours. Elle est en train de rire dans ton dos et toi, tu marches. Par une contre-attaque précise tout autant que soudaine, je la surprends en me jetant prestement dans la baignoire. L'eau glacée qui sera présente du pommeau prouve à ma tête que je ne suis pas dupe. Après un essuyage rapide de mon corps bleui, suivi de quelques exercices, je décide d'aller remplacer ma pédale endommagée. Quelques travaux de réparation dans mon parc à vélo me feront le plus grand bien.